Chapitre 8e. Monsieur Korff se mordit les lèvres jusqu'au sang. Ce n'était plus le policier à qui un criminel échappe, c'était un homme qui se voit joué, berné, moqué, ridiculisé, qui ne se sent pas de force et qui le comprend. Il se pencha sur le corps inerte contenu dans la malle et se convainquit instantanément que monsieur Piébald n'était qu'évanoui. Eh bien, aidez-moi, au lieu de me regarder comme ça, grommela-t-il à l'adresse du gérant du gigantique palace et de son garçon. « Tout de suite, monsieur, » balbutia le gérant. « Si vous permettez qu'Adolphe aille fermer la porte. Si les clients pouvaient se douter. Un effet déplorable, il faut. Adolphe, voulez-vous vite refermer la porte et à clé ?» Le garçon s'empressa. Korff, comme enragé, arracha les coussins et les courroies maintenant le corps inerte du fiancé de Sonia Argulian, et l'ayant saisi par les bras, le souleva et le déposa sur le plancher. « Des sels, du vinaigre, quelque chose » grommela-t-il. « Oui, monsieur, » s'empressa le gérant, qui avait repris un peu de sang-froid. « Adolphe, allez à la pharmacie, rapportez la boîte numéro 1, vite !» Le garçon s'élança vers la porte, l'ouvrit et disparut. « Il n'est qu'en syncope, » murmura Korff, qui pensa qu'on avait dû piquer ce Piébald, tout comme lui, seulement la dose devait avoir été plus forte. Machinalement, il le secoua, mais sans aucun succès. Le garçon revint avec une boîte d'acajou renfermant toute une collection de médicaments. Jérôme Korff n'hésita pas. Ayant détaché les mains de Piébald, il lui plaça entre les doigts un tampon d'ouate imbibé d'alcool à 90 et y mit le feu. Sous la morsure de la flamme, Piébald tressaillit. Il ouvrit les yeux et poussa un cri de douleur. « Ah, ça va mieux !» fit Korff en éteignant immédiatement l'ouate enflammée. « Du calme, monsieur Piébald, et enchanté de vous revoir. » « Oh, je... Ah, mais je... » balbutia Piébald, qui n'en croyait pas ses yeux. « Eh oui, c'est moi, inspecteur Korff, » fit le policier. « Je vois que, malgré mon déguisement, vous me reconnaissez. Félicitations. Alors, ça va mieux ?»« Vous m'avez brûlé les doigts. » « Après vous avoir sorti de cette malle où vous risquiez de périr comme un rat dans une ratière, monsieur Piébald, ne l'oubliez pas. Avez-vous soif ?» Piébald reste muet. Je vois que vous n'êtes pas aussi causeur qu'hier, mon bon monsieur Piébald, mais peu importe. Je vous demanderai simplement comment, après vous avoir laissé dans le salon de monsieur Argulian à Enghien, je vous retrouve dans cette malle. Répondez, c'est dans votre intérêt. Je n'en sais rien, avoua monsieur Piébald. Ah, vous n'en savez rien, scanda le policier. Rien, je le jure. Je suis sorti un peu après vous de chez monsieur Argulian. Je me suis dirigé vers la gare, j'ai pris le train. À la gare du Nord, j'ai hélé un taxi. Il était rouge. Je lui ai donné mon adresse, rue de Courcelles, et une fois la voiture en marche, j'ai senti que je m'endormais. Et je viens de reprendre connaissance. Le chauffeur de ma voiture, je l'ai remarqué, avait un gros nez rouge. « Comme le taxi lui-même, hein ?» fit Korff incrédule. « Je vous dis ce que je sais. Si vous avez le cœur à plaisanter, moi je suis sérieux, » riposta aigrement M. Piébald. « Après tout, vous dites peut-être la vérité, » opina Korff en brandissant le portefeuille qu'il avait délicatement retiré de la poche de M. Piébald, tandis que le garçon était allé chercher la boîte de pharmacie. « Oh, mon, rendez-moi ça, c'est... » « Oui, c'est votre portefeuille, » fit paisiblement Korff en retirant délicatement du porte-carte plusieurs billets de banque français et une épaisse feuille de papier jaune couverte de signes bizarres, sans aucune signification apparente. « Ne touchez pas, s'il vous plaît !»« Vous vous expliquerez à la sûreté. »« M'expliquer sur quoi ?» questionna M. Piébald, qui à présent était en complète possession de tous ses moyens. On m'a endormi, enfermé dans une malle dont vous venez de me tirer. Vous m'enlevez mon portefeuille, vous, un agent de la police, et vous me demandez de m'expliquer. C'est un peu raide. Croyez bien que l'affaire ne se passera pas ainsi, et que je demanderai à qui de droit des explications sur votre conduite, monsieur le policier. Voulez-vous, oui ou non, me rendre ce portefeuille que vous savez m'appartenir? Ces messieurs sont témoins. En effet, ces messieurs vont être témoins que je vais empaqueter votre portefeuille et le cacheter. « La justice a son mot à dire. Et pour l'instant, vous allez me suivre à la sûreté, avec les menottes, attendu que vous êtes complice de l'homme qui se fait appeler William Grant et qui m'a empoisonné hier, » rétorqua Jérôme Korff sans s'émouvoir. « Oust ! Les mains en l'air ! Où ça va mal aller, mon garçon ?» Ce fut dit d'un ton péremptoire. Piébald comprit qu'il était allé trop loin et que le bluff n'était pas de mise. « Je pense que vous plaisantez, monsieur Korff, dit-il d'une voix radoucie. Je vous dois certainement la vie, mais ce n'est pas une raison pour me parler ainsi. Je suis prêt d'ailleurs à vous suivre, quand ce ne serait que pour porter plainte contre les misérables bandits dont j'aurais sans vous été la victime. » Korff fronça légèrement les sourcils. Il venait de concevoir un nouveau plan. Feindre d'être la dupe de Piébald, le laisser aller et le suivre à son insu. « Du moment que vous devenez plus raisonnable, monsieur Piébald, je veux vous montrer que je ne suis pas mauvais diable. Vous allez m'accompagner à la sûreté, vous ferez votre déposition, et vous serez libre, à moins naturellement que le procureur de la République ou son substitut n'en décide autrement, ce que je ne pense pas. Pouvez-vous marcher en vous appuyant sur moi ?»« Oui, j'ai la tête un peu lourde, mais je me sens suffisamment solide, » assura Piébald, qui, payant d'audace, ajouta. « Vous seriez bien aimable de me rendre mon portefeuille, monsieur Korff. »« Le procureur décidera de cela, d'autant plus que j'y ai vu un papier couvert de signes bizarres, lesquels l'intéresseront sans doute. » Piébald se mit à rire. « Ah oui, les hiéroglyphes, » dit-il, « mais c'est simplement un croquis fait par un architecte de mes amis qui veut se faire construire une villa de style égyptien. C'est un projet de frise, d'aucune importance, vous comprenez, monsieur Korff. » « Vous direz cela au procureur. » « Naturellement que je lui dirai. Et d'ailleurs, il n'aura qu'à soumettre le papier à un savant. Ce qu'il y a dessus ne veut absolument rien dire. »« J'en suis persuadé. Vous venez, monsieur Piébald ?»« Et quant à vous, monsieur, » ajouta Korff en s'adressant au gérant, qui avait suivi toute cette conversation avec un grand intérêt, « je compte sur vous pour que cette malle ne soit pas touchée. L'on peut y découvrir des empreintes utiles à connaître. Qu'on ne touche donc à cette malle sous aucun prétexte, vous m'avez bien compris. » Ah oui, monsieur. D'ailleurs, je vais téléphoner pour qu'on envoie immédiatement un inspecteur pour la surveiller. Venez, monsieur Piébald, n'ayons pas peur de vous appuyer sur moi. » Et Korff lentement sortit de la salle des bagages. Toujours flanqué de Piébald, il se fit conduire à la chambre occupée par William Grant, sur la porte de laquelle il fit apposer des scellés, qu'il cacheta à l'aide d'une bague. Il monta ensuite en taxi avec Piébald et ordonna au chauffeur de le conduire quai des Orfèvres. Le trajet fut rapidement effectué. Pas un mot ne fut échangé entre les deux hommes. Piébald, sous une apparence distraite, réfléchissait. Korff ne le quittait pas des yeux, attentif au moindre mouvement qu'il pourrait faire, soit pour l'attaquer, soit pour s'enfuir. Piébald ne bougea pas. Docilement, il descendit de voiture une fois le taxi arrêté et suivit Korff dans les méandres du palais. Tous deux, en quelques minutes, arrivèrent dans l'antichambre du cabinet de M. Serpier. Korff, ayant laissé son compagnon sous la garde de deux huissiers, pénétra dans le bureau du chef de la sûreté. M. Serpier le reçut plutôt fraîchement. « Vous venez m'annoncer une nouvelle gaffe, Korff ?» questionna-t-il son subordonné. « Faites-moi crédit jusqu'au bout, chef, je réussirai, » assura le pauvre Korff avec une fermeté qui impressionna favorablement son chef. Et sur l'invitation de ce dernier, il fit le récit de ce qui lui était advenu. Ce Piébald, c'est certain, expliqua-t-il, est pour quelque chose dans l'affaire. C'est le futur gendre d'Argulian, et la jeune Sonia ne paraît pas le gober beaucoup. Pourtant, il en parle faux et en maître. Hier, ma présence n'a pas paru lui plaire beaucoup, et même si je ne l'avais pas revu, je ne me serais pas inquiété de lui. Lorsqu'il a repris connaissance dans sa malle et qu'il m'a vu, il m'a identifié du premier coup d'œil malgré mon déguisement, ce qui prouve une certaine habileté de sa part. Ou une certaine maladresse de la vôtre, Korff. Continuez. Enfin, chef, il n'a pu s'empêcher de manifester son trouble. Comme je viens de vous le dire, il a d'abord essayé de me la faire à l'autorité. Quand il a vu que cela ne prenait pas, il s'est calmé et adouci. C'est surtout son portefeuille qui lui tenait à cœur. Naturellement, je ne lui ai pas rendu. « Le voici. » Sans mot dire, M. Serpier prit le petit porte-carte de maroquin écrasé que lui tendait Korff. Il en retira quelques billets de banque ainsi que la feuille de papier jaune couverte de caractères qui avait déjà attiré l'attention de son subordonné. « Curieux, » murmura-t-il, « mais c'est le même papier que celui contenu dans le portefeuille de l'individu qui est venu mourir ici. Ce qui me fait penser que je dois téléphoner au professeur Heyman, à qui je l'ai envoyé le document. Voyons un peu celui-là. » Monsieur Serpier s'interrompit. Pendant quelques instants, il considéra le mystérieux papier. L'autre portait les signes suivants. L'une de ses faces était immaculée. Après cela, nous sommes renseignés, grommela Monsieur Serpier. En tout cas, il me semble bien que je reconnais certaines de ces figures. Il y en a au moins deux ou trois que j'ai déjà vues sur l'autre papier. Il est évident que ces dessins ont une signification. Jusqu'ici, ils nous prouvent seulement que nous avons affaire à une bande organisée, dont faisait partie le mort et dont fait aussi partie ce pied-bald. À moins, chef, que ce papier soit une condamnation à mort. Pensez que nos deux individus ont failli avoir le même sort. Sans répondre, Monsieur Serpier haussa les épaules. Je vais téléphoner au professeur Eman, dit-il. Le hasard voulut qu'il obtint aussitôt la communication. Le papier que vous m'avez confié, répondit le savant professeur. Oui, je l'ai étudié, et longuement, et je l'ai même traduit. J'allais vous l'envoyer, justement. Ah, s'exclama Monsieur Serpier, vous seriez tout à fait aimable de me faire. Le chef de la sûreté poussa une exclamation de rage. La voix du professeur Heyman était devenue inintelligible. Il entendit un grésillement dans l'appareil, des voix, un brouhaha confus, puis plus rien. Allô! Grommela-t-il furieux. Allô, mademoiselle, redonnez-moi le Truden 901-95, vous entendez?